Chapitre 5. Madame Murillon, penchée sur le bureau de Raymond, exposait avec son animation coutumière l'objet de sa visite. Il s'agissait d'une de ses nombreuses protégées qui n'osait venir consulter Maître Évène. « Je lui ai cependant répété sur tous les tons combien vous étiez bon, mais le malheur a rendu défiante et sauvage la pauvre créature. Et, voyez un peu cela, elle ne veut pas entendre parler de Mademoiselle Daubré. Elle prétend qu'une femme ne peut s'occuper de ces choses-là. » Raymond eut un sourire forcé. « Voilà une bonne dame fortement antiféministe, mais je crois que deux ou trois entrevues avec Mademoiselle Daubré l'auraient convertie. Je le crois aussi, car elle me paraît bien posséder son affaire, cette charmante Ariane. Et si simple avec cela, tellement naturelle. Toutes les clientes que je lui adresse sont enthousiastes. En outre, j'ai découvert chez elle une façon délicieusement discrète de venir en aide aux plus infortunés. Certainement, je ne suis pas très férue de cette carrière pour les femmes, mais je reconnais qu'une intelligence et un cœur tels que cela peuvent y accomplir beaucoup de bien. Il est seulement regrettable que le principe directeur manque à Mademoiselle Daubré. Elle-même le reconnaît. Il y a des moments, me dit-elle, où je ne sais comment déterminer ce qui est bien ou mal, ce qui doit être conseillé à ces malheureuses qui viennent me conter leur détresse. Il ne lui manque en effet que cela, et c'est tout cependant. Raymond parlait avec une tranquille froideur, sans que rien laissât deviner son émotion. En évitant toute affectation, il ramena l'entretien sur la voie primitive. Quand Madame Murillon eut pris congé, il alla ouvrir la porte du salon d'attente. D'un fauteuil profond, où elle était étendue en une attitude lasse, une femme se leva. Raymond eut une exclamation. « Paul !»« Oui, c'est moi. Je voudrais te parler. » Sa voix était un peu basse et tremblante. Il y avait comme une prière anxieuse au fond de ses yeux gris, dont il avait aimé la teinte délicate. « Je suis à ta disposition. » Il vint à elle, prit la main qu'elle lui tendait et la baisa. « Comment va ta mère? J'ai su qu'elle était souffrante. » « Elle n'est pas bien encore. Les soucis, l'inquiétude. » Dans le cabinet où Raymond la suivit, elle s'assit près du bureau en entr'ouvrant d'un geste machinal son manteau de fourrure. Quand Raymond eut pris place en face d'elle, la jeune femme dit avec un visible effort « Je viens consulter l'avocat et le cousin qui fut si bon pour moi jadis. » Deux fenêtres éclairaient la pièce et, à travers le tulle fin des rideaux, le soleil entrait librement, éveillait des reflets sur la glace épaisse du bureau, arrivait jusqu'au fauteuil de Paul. Raymond, qui rencontrait si rarement sa cousine depuis des mois, constatait aujourd'hui, dans ce plein jour, combien elle était changée, ainsi que le lui avait dit Ariane. Le teint fragile, le joli teint si finement rosé, n'existait plus. Il avait disparu sous le maquillage dont Paul avait pris l'habitude dès le début de son mariage parce que Ferdinand l'y engageait. Mais autre chose encore avait vieilli cette physionomie, changé l'expression du regard, cette chose qui s'appelait le malheur. D'une voix hésitante, Paul poursuivit. « Je ne devrais peut-être pas m'adresser à toi. Beaucoup diraient même que tu es le dernier à qui je devrais m'adresser. » Mais il m'est impossible d'agir autrement, car tu es le seul en qui j'ai une confiance absolue. » Raymond eut un léger tressaillement. Une autre femme, quelque temps auparavant, lui avait dit les mêmes paroles. « Ariane, Ariane et Paul, l'amour d'aujourd'hui, l'amour d'hier. » Toutes deux se rencontraient pour lui rendre ce témoignage. Paul continuait. « Ce que j'ai à te dire est pénible, est affreux, et ce sera en même temps l'aveu de mes torts à ton égard. » Il étendit la main en un geste de protestation. « Pas cela, Paul, n'en parlons jamais. Je t'ai pardonné. Maintenant, c'est le passé, c'est l'oubli. » Elle murmura. « C'est l'oubli. » Les lèvres peintes tremblèrent. D'un geste machinal, Paul tordit un gant qu'elle avait enlevé. Elle reprit, d'une voix qui s'assourdissait, « Soit, n'en parlons plus. Mais les faits parleront, eux. Si jamais tu avais été capable de désirer une vengeance, Raymond, tu serais satisfait. Car j'ai toujours souffert avec Ferdinand, et maintenant c'est trop. C'est trop. Je n'en peux plus. » Dans les yeux que la jeune femme attachait sur son cousin, toute la tragédie de sa vie conjugale apparaissait, dégagée du voile d'indifférence habituel. « Si tu savais comme je le déteste, si tu savais! Depuis des mois, je n'ai plus qu'un désir, le quitter, briser ses liens odieux. Lui ne le veut pas. Tu comprends, je suis riche et il me menace. Mais peu importe, je n'en puis plus. Il faut que tu me dises ce que je dois faire pour obtenir ma délivrance. » Une émotion poignante s'emparait de Raymond devant cette détresse d'une femme, autrefois tant aimée, qu'il avait rêvé de rendre heureuse. Aucun sentiment de triomphe ne s'y mêlait. Il n'existait chez lui qu'une compassion profonde pour l'âme humiliée, torturée, qui venait à lui, comme autrefois la petite Paul venait à son grand cousin Raymond. « Ma pauvre Paul, certes, je ne te croyais pas heureuse, mais je ne pensais pas que ce fût à ce point. » Il se levait, venait s'asseoir près de Paul, serrait les mains glacées. Avec une douceur apitoyée, il considérait ce visage que la souffrance bouleversait. « Oui, on ne sait pas tout. Je vais te raconter. Aussi bien faut-il que tu sois au courant pour me conseiller. » Raymond en avait déjà entendu souvent de ces douloureuses confidences de femmes. Il avait été initié à plusieurs de ces drames secrets qui ont un foyer pour théâtre. Mais quelque émotion qu'il en éprouva, comment la comparer à celle d'entendre Paul, celle qu'il avait appelée « ma Paul », lui confier ses affreuses désillusions d'épouse, de la voir là, devant lui, toute humiliée, toute frissonnante, de sentir ses mains trembler dans les siennes. Elle acheva. « Voilà, tu sais tout maintenant, et tu comprendras que je veuille me séparer à jamais de cet homme. » « À jamais ? À quoi penses-tu en disant cela ?» Elle baissa un peu les yeux, hésita pendant quelques secondes, et dit enfin « Au divorce, naturellement. Toi, Paul ? Oui, je sais bien que ce ne sont pas tes idées, mais je n'ai plus les mêmes scrupules qu'autrefois. La séparation ne me suffirait pas, car je veux perdre jusqu'à son nom. » Cette raison est bien faible pour l'opposer à la défense de l'Église. « Est-ce toi que j'entends parler ainsi? Qu'as-tu fait de tes croyances, ma pauvre amie ?» Elle dit avec amertume, « Je n'ai plus la foi. Ferdinand m'a tant raillée au début. » Quel petit fantôme de foi était-ce donc pour avoir cédé si vite ? « Voyons, Paul, il n'est pas possible que tu oublies ainsi tout ce qui te fut enseigné. » Elle murmura avec une sourde véhémence, « je le hais pour tout ce qu'il m'a enlevé, pour le bonheur dont il m'a séparé. Je ne l'ai jamais aimé, j'ai cru, mais ce n'était pas. Oh non, l'amour, ce n'est pas cela !» Les mains de Raymond s'écartèrent, quittèrent celles de Paul. Son regard se détourna de ses yeux où se répandait un désespoir pathétique. D'une voix calme, un peu assourdie par l'émotion, il parla à la jeune femme de son devoir, de ses croyances passées qui ne pouvaient être complètement mortes. Son éloquence subjuguait les auditoires des salles d'audience, mais entre les murs de son cabinet, il n'était pas moins persuasif. Plus d'une fois, des âmes lasses ou révoltées étaient sorties de chez lui, réconfortées, apaisées, remises dans la voie droite. Sa profession lui apparaissait comme un apostolat et les dons reçus du ciel comme un moyen d'accomplir sa tâche religieuse et sociale. Cette fois, celle qu'il s'agissait d'écarter de la fausse route était un être autrefois très cher et qui éveillait encore en lui le souvenir d'une pure tendresse. Sa voix prenait des intonations plus chaudes, il trouvait des mots plus pressants pour lutter contre Paul, qui répétait « Je ne veux plus rien de commun entre lui et moi. Rien, rien !»« On ne sépare pas ainsi ce que Dieu a uni, Paul. Ce lien ne peut être dénoué que par la mort. » Elle disait « Non, non !» et se raidissait devant le regard doucement énergique. Raymond, en quelques mots émus, rappelait les souvenirs des jeunes années de Paul, de son adolescence pieuse. Le buste de la jeune femme fléchissait, les traits crispés se détendaient. Un sanglot monta à sa gorge. « Ma pauvre petite Paul, dis-moi que tu ne songes plus au divorce. » Elle demanda très bas « Tu le veux ? Ce n'est pas moi qui le veux, c'est Dieu. » Elle croisa les mains sur son manteau et regarda droit devant elle un long moment. Le soleil éclairait son visage fatigué, ses yeux pleins d'une lassitude désespérée. Elle dit enfin « Eh bien, j'y renonce, je demanderai la séparation. Tu t'en occuperas ?»« C'est impossible, ma pauvre amie. Après ce qui a été, c'est impossible, tu comprends ?» La bouche trop rouge trembla un peu. « C'est vrai. Alors, tu m'indiqueras quelqu'un. Mais je viendrai parfois te voir quand j'aurai besoin d'être fortifiée. Tu ne sais pas quel bien tu viens de me faire. Il me semble que j'ai bu à une source vivifiante. » Elle penchait un peu sa taille souple en regardant Raymond avec l'expression d'autrefois, douce, caressante, tendrement attentive. Par l'ouverture du manteau apparaissait la robe soyeuse qui était de cette fine teinte bleu lavande, sa nuance préférée de naguère parce qu'elle seyait à son teint délicat et que Raymond l'aimait particulièrement. Devant ce reflet du passé, une émotion mélancolique le pénétrait. Son amour pour Paul n'était plus qu'un souvenir. S'il en avait douté, il s'en serait trouvé convaincu aujourd'hui devant la jeune femme, revenu à l'affectueuse confiance de naguère et dont la faiblesse désemparée cherchait à s'étayer sur sa force. Mais toutes les joies pures de sa première jeunesse revivaient un instant en la personne de l'ancienne fiancée. Maintenant que l'amour s'était enfui, qu'il ne souffrait plus et la voyait repentante devant lui, sa compassion envers la cousine malheureuse se mêlait d'une reconnaissance attendrie pour ces petites joies sentimentales qu'elle lui avait procurées, pour ce rêve qu'il avait fait si beau. Il ne lui en voulait plus de la déception qu'il avait meurtrie 4 ans auparavant, il ne regrettait plus la femme qui s'était découronnée elle-même à ses yeux en épousant Daubray. Mais quoi qu'elle fît, elle personnifiait toujours pour lui la simple et idéale tendresse de ses 20 ans, le premier et si longtemps l'unique amour de son cœur. « Viens quelquefois si je puis t'être utile, Paul. Ou plutôt, va voir ma mère, ce sera mieux encore. Tu connais sa bonté, son jugement si sûr. » « Oui, je connais toutes les qualités de tante Hélène dont tu as hérité. J'irai la voir certainement. Mais toi, Raymond, tu me rappelles ce que j'ai eu de meilleur dans ma vie. Et cela m'est doux. Cela m'est si doux. » Elle se penchait un peu plus en appuyant ses mains au bras du fauteuil. Ses yeux levés sur Raymond semblaient couverts d'une rosée de larmes. Il dit avec une tristesse émue « Ma pauvre Paul !» Elle murmura « Oui, pauvre, pauvre !» Raymond détourna légèrement son regard de ses yeux où paraissait un regret désolé. Paul reprit, d'un ton qu'elle essayait de raffermir. « Dis-moi ce que je dois faire, à qui je dois m'adresser. Je suivrai aveuglément tes conseils. » Il lui donna les indications nécessaires, l'adresse d'un avoué en qui elle pouvait avoir toute confiance. Elle le remercia et se leva en disant qu'elle allait faire une petite visite à ses parents en descendant. « Je vais t'accompagner, » dit Raymond. Il se baissa pour amasser le petit sac de Paul qu'elle avait laissé glisser à terre pendant qu'elle lui parlait. Elle le prit distraitement. Son regard errait autour de la grande pièce aux boiseries grises, égayée à la fois par le soleil et par les très belles tulipes, disposées dans un vase de vieille faïence posé sur la cheminée. « Ce sont toujours les meubles de ton grand-père, les bons vieux meubles de famille. Tu tiens au souvenir, à la tradition, toi !» Lui les déteste. Nos pauvres grands sapins! Si je n'avais pas été moralement certaine que ton père les achèterait, jamais je n'aurais consenti à les vendre. Mais j'aimais mieux qu'ils soient à toi, puisque je n'ai pas d'enfant. Quant à moi, je ne pourrais plus y aller. Je souffrirais trop. » D'une main nerveuse, elle referma son manteau. Puis elle tendit la main à Raymond. « Ne te dérange pas, mon ami, un client attend peut-être. » « Non, je n'ai pas entendu sonner. Je vais t'accompagner volontiers jusqu'à l'escalier. » Il ouvrit la porte devant elle et tous deux s'avancèrent jusque sur le palier. Paul saisit la main de Raymond et la serra avec force. « Merci encore, merci de m'avoir pardonné. Que tu es bon! Tu ne sais pas quelle consolation sera pour moi ton amitié. » Il répliqua d'un ton ferme et doux. « Cette consolation, cherche-la d'abord et toujours près de Dieu, que tu as trop oublié jusqu'ici. Adopte une existence sérieuse, Paul. Reprends tes habitudes chrétiennes. Il te faut une sauvegarde puissante dans la vie qui sera désormais la tienne. » « Oui, tu as raison. Mais tu m'aideras, toi qui es si croyant. » Il dit avec la même fermeté douce. « Non, pas moi, Paul, mais tu t'adresseras à ma mère. Elle sera heureuse d'être un guide pour toi. » Les doigts de Paul s'écartèrent et abandonnèrent la main de Raymond. Le regard chargé de ferveur s'abaissa, disparut sous les paupières diaphanes. « Oui, je lui demanderai conseil. Puisque tu pries, toi, prie pour moi. » Penché sur la rampe, il la regarda descendre. Le manteau de petit gris habillait élégamment sa longue taille mince. Un petit chapeau de feutre vert dégageait les cheveux blonds qui avaient maintenant une teinte plus foncée, la teinte qu'il fallait avoir cette année-là pour être une femme à la mode. Une femme à la mode, voilà ce qu'avait été Paul, voilà ce qu'elle avait trouvé de mieux pour combattre ses déboires conjugaux. Maintenant, elle n'était plus qu'une épave, prête à sombrer si on ne la secourait pas. Revenu dans son cabinet, Raymond demeurait debout, un pli soucieux au front. Une impression mélancolique lui restait de cette entrevue qui avait ranimé l'ombre du passé en même temps qu'elle lui révélait tout le drame de l'existence de Paul. Il plaignait sa cousine en dépit de tout. Il ressentait de la pitié pour cette faiblesse de caractère, pour l'étrange aberration morale qu'il avait si douloureusement surpris autrefois. Paul devenait à ses yeux une malade d'âme, très gravement atteinte, mais non incurable. Elle-même, d'ailleurs, le reconnaissait implicitement en demandant son aide. Mais cette aide, ces conseils qu'il eût été heureux de donner à la cousine, il lui fallait les refuser à la fiancée d'autrefois, à la femme de Daubré. Durant cet entretien, il avait compris que Paul l'aimait, qu'elle n'avait, en réalité, probablement jamais cessé de l'aimer, et que ce sentiment prenait une nouvelle force à mesure qu'elle détestait, méprisait davantage Daubré. Révoltée, désemparée, elle venait à lui, sans peut-être avoir conscience que ce n'était pas seulement aux parents ni à l'avocat qu'elle demandait secours et conseil. Avec son expérience, sa prudence d'homme accoutumé à tenir à jour sa conscience, il devait prévenir le danger, la souffrance qui en résulterait pour elle. Tout à l'heure, il parlerait à sa mère en lui demandant d'accueillir Paul avec la tendresse d'autrefois et de la soutenir dans sa détresse. Un parfum agréable mais tenace demeurait dans la pièce. Il alla ouvrir la fenêtre et offrit son visage à l'air froid que tempérait ce soleil de mars déjà chaud. Son regard s'en alla, un moment, vers cet appartement du premier étage qu'habitaient le président et sa fille. L'image de Paul s'obscurcit, glissa vers l'oubli. Il ne vit plus que le frémissant visage d'Ariane, sa bouche sans fard qui avait un si fin sourire, et ses yeux graves et rieurs tour à tour qui laissaient deviner l'âme ardente, loyale, parfois douloureuse. Ariane qui saurait peut-être aimer jusqu'à la mort celui qu'elle jugerait digne d'un tel amour. Il s'écarta presque brusquement, ferma la fenêtre et revint au bureau. La souffrance étreignait son cœur, dont il devait briser une fois de plus l'élan vers la bien-aimée. Il pensa, Qu'était-ce donc l'abandon de Paul près de cet amour qui sera si long à mourir ?